Chapitre 15. Pourquoi les cendriers ont la queue rouge? Nos voyageurs allaient se remettre en route lorsque leur attention fut attirée par des grognements irrespectueux qui partaient d'un buisson voisin. La voix qui se plaignait était rauque et nasillarde, stridente et enrouée. Je ne saurais la comparer qu'à celle de nos polichinelles forains. Raphaël fronça les sourcils. « Voilà encore nos perroquets qui font des leurs, » dit-il. Et il fut droit au buisson dont il écarta les branches. Dans le fond d'un tronc d'arbre se tenait un joco gris cendré. « Il est très en colère, joco, très en colère. Ho, ho, ho, ho !» grommelait le perroquet en accompagnant sa harangue de grandissimes coups de bec. « Viens, » dit Raphaël, sur le point duquel l'oiseau se percha. « De quoi te plains-tu ? » ?»« Joco, pas content ! Non, non, non, non, pauvre Joco !» Et comme s'il se fût véritablement attendri sur son sort, le perroquet poussa des cris aigus en balançant la tête et en levant les yeux au ciel à n'en plus laisser voir que le blanc. « Allons, parle, que t'a-t-on fait ?»« Joco est mal habillé, pauvre Joco. Les cacatoès, blancs et roses, les aras, or, pourpre et azur, les perruches en émeraude. Joco, lui, couleur de cendre. Pauvre Joco, Joco porte son deuil. Oui, oui, le premier brin de persil sera pour Joco. » La douleur du perroquet paraissait si vive que Hansel s'en émut. Il demanda à ses compagnons de faire au malheureux oiseau quelques concessions qui l'apaisa. « Soit, » dit Emmanuel en souriant. « Je devrais te punir, Joco, pour ta jalousie et ton orgueil ridicule, mais je ne puis pas être aussi exigeant pour une bête que pour un homme. » Il appela une charmante petite âme blonde aux yeux bleus, aux cils noirs, puis s'adressant au perroquet. « Dis-moi ce qui te fait envie. » « Joco voudrait avoir la queue rouge, rouge, rouge. Qu'il serait beau, qu'il serait fier, Joco, vêtu de rouge. » « Eh bien, va pour la queue rouge. » La petite âme prit ses pinceaux, le perroquet ouvrit ses ailes, étala sa queue, et lorsque sa toilette fut achevée, l'oiseau entonna un chant de victoire à assourdir un sourd. « Voyez, Joco, voyez, voyez, voyez, il est beau, il est superbe, il est magnifique, Joco, Joco n'a pas son pareil. » Et il fut se mirer au ruisseau. C'est depuis cette année 1535 que la queue rouge est d'ordonnance pour les perroquets gris.